Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venu l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être encore une fois au rendez-vous. Aujourd'hui est une émission un peu spéciale qui met en lumière des animaux étranges, un peu uniques en leur genre, pour ne pas dire franchement bizarres. Je vous parlerai dans la chronique de deux animaux camoulox, l'ornithorynque et l'oryctérope. J'aurai ensuite la chance de recevoir un nouveau duo après celui des Nat Explorers. J'ai donc la chance de recevoir aujourd'hui Frédéric Blanc, chef de projet au Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, et Lucas Santucci, photographe, membre de l'agence Zeppelin. Et ils viennent nous parler d'une étrange petite animal, le dahu local, qui enchante les cours d'eau des montagnes avoisinantes, le décement des Pyrénées. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Dans le règne animal, on trouve de tout. Des musclés, des colorés, des ébouriffés. Et puis, il y en a qui suscitent parfois l'interrogation, la surprise, le doute, voire l'incrédulité la plus totale. À tel point que parfois, les découvreurs des bestioles en question, confrontés à de telles chimères, pensent avoir de faux spécimens face à eux. Des fakes, des canulars créés de toutes pièces. Ça a notamment été le cas pour le fameux ornithorynque. Mais peut-on vraiment les blâmer? Imaginez la bestiole. Une queue plate et un corps trapu de petit castor, des pattes griffues palmées et cet étrange museau souple qui ressemble à s'y méprendre à un bec de canard. Et je ne vous parle même pas du fait qu'il a un cloaque, un orifice unique pour s'accoupler et éliminer ses déchets comme les oiseaux, ou du fait qu'il pond des œufs munis d'une membrane épaisse comme chez les reptiles. On sait aussi qu'il produit du lait sans pour autant avoir de mamelles et va même héberger son fœtus dans une poche comme les marsupiaux tels que le kangourou. Et en plus de ça, les mâles sont pourvus d'un ergot venimeux sur les pattes arrière, une caractéristique très rare chez mammifères. Bref, c'est un sacré casse-tête. Il est maintenant de notoriété publique que le premier européen à l'avoir examiné précisément, le scientifique britannique George Shaw, s'arma d'une paire de ciseaux et chercha à enlever les coutures qui reliaient le bec au corps avant de constater, affolé, que l'animal était bien réel. Il publiera ses conclusions en 1799 dans le journal The Naturalist Miscellany, ce qu'on pourrait traduire par « vrac divers du naturaliste ». Il lui donnera le nom latin de Platypus anatinus, qu'on peut traduire par « canard chose à pied plat », plus ou moins. En 1800 et plus ou moins en parallèle, le biologiste allemand Johann Blumenbach le dotera du nom d'Ornithorhynchus paradoxus. Autant dire que l'animal était déjà bien difficile à classer. On sait dorénavant que l'ornithorynque, tout comme les quatre espèces d'échidnées existantes, appartient au club très restreint des monotrèmes, celui des mammifères qui pondent des œufs. Ces animaux font un peu le lien, l'intermédiaire entre les oiseaux et les reptiles, d'un côté, et les mammifères marsupiaux, de l'autre. Mais ça ne s'arrête pas là. Étrange de l'extérieur, l'ornithorynque l'est également à l'intérieur, au fin fond de son ADN. Vous le savez peut-être, nous autres mammifères munis d'un placenta, cette enveloppe qui entoure le bébé dans le ventre de sa mère, nous possédons 23 paires de chromosomes, dont une seule et unique paire de deux chromosomes que l'on appelle chromosomes sexuels. Et cette paire unique de chromosomes diffère selon que l'animal soit mâle ou femelle. On obtient XY chez le mâle et XX chez la femelle. Et quand il y a fécondation, le futur bébé récupérera la moitié du matériel génétique de sa mère, forcément un X, et l'autre moitié de son père, aléatoirement soit X, soit Y, ce qui déterminera le sexe du bébé à naître. Or, chez l'ornithorynque, il y a 26 paires de chromosomes, dont non pas une, mais 5 paires de chromosomes sexuels. Les femelles ont 5 paires XX, les mâles 5 paires XY. Les femelles ne peuvent donc transmettre que des X à leur progéniture, comme pour nous, mais chez les mâles, ça se complique. Les chromosomes sexuels vont former une chaîne successive, XY, XY, XY, et deux alternatives se dessinent. Soit le mâle transmet le premier chromosome de chaque paire, les X, et les petits seront obligatoirement des femelles, en héritant aussi du X de leur mère. Soit les mâles ne transmettent que leur Y, et il n'y aura que des mâles dans les petits à naître. C'est tout l'un ou tout l'autre, pas d'autre alternative. Et le plus drôle, c'est que des analyses génétiques ont révélé que cette étrange combinaison de chromosomes sexuels était sans doute le fruit du hasard et des mutations. L'ancêtre de l'ornithorynque, il y a 190 millions d'années, n'avait qu'une paire de chromosomes sexuels, lui. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Quittons l'Australie pour aller à la rencontre d'une autre bestiole étrange que l'on trouve dans toute l'Afrique subsaharienne. Un animal nocturne et discret que peu de gens connaissent. L'oryctérope du Cap. Son nom latin, Oryctéropus affaire évoque un mineur qui creuse avec les pieds. Et son nom anglais, aardvark, est dérivé d'un nom, afrikaans, qui signifie « cochon de terre ». Là aussi, quand on pose les yeux sur lui, on croit voir un animal issu d'une hybridation particulièrement surprenante. L'oryctérope est presque nu, les poils qu'il porte à naissance tombent quand il creuse des galeries, et ceux qui restent agglomérés par petits patchs de 4 à 5 poils. Il est muni de grandes oreilles allongées, d'un long groin de cochon et de puissantes griffes, ainsi que d'une très longue langue, un peu comme les fourmiliers d'Amérique du Sud. Le tout est complété par une queue arquée et rigide, un peu comme celle des kangourous. Joli tableau. Du fait de ses habitudes alimentaires et de son comportement de fouisseur, on l'a longtemps classé avec les fourmiliers et les tatous, dans une famille aujourd'hui désuète, celle des édentés. Comme eux, ils disposent d'une longue langue collante de près de 45 cm, idéale pour récolter les termites et les fourmis dont ils raffolent. On sait aujourd'hui qu'il est en fait totalement à part et qu'il est finalement plus proche des éléphants et des lamantins. On l'a donc ajouté à la fin du 19e siècle à la famille étrange des tubulidentés, dont il est le seul représentant et dont le nom signifie « à dents en tube ». Car oui, malgré son ancienne classification chez édentés, l'oryctérope est bien muni de quelques quenottes très particulières. Animal discret et un peu mystérieux, on sait finalement assez peu de choses sur lui. Il aurait un odorat extraordinaire. Son nez est pourvu de 10 cornets nasaux, des os longs et plats, superposés, qui permettent de réguler l'entrée d'air dans le nez contre les 4 ou 5 possédés par le chien. On sait aussi que les jeunes restent avec leur mère pendant 6 mois, ce qui laisse présager un temps d'apprentissage assez long et donc une intelligence développée. On sait aussi qu'en plus d'être quasi exclusivement myrmécophage, se nourrissant que de fourmis et termites donc, le seul attrayement qu'il mange est un légume appelé concombre de l'oryctérope qui pousse sous terre et avec lequel il entretient une relation de symbiose. En les consommant, l'oryctérope disperse les graines du légume avec ses excréments et les replace dans la terre en farfouillant le sol, ce qui permet à la plante de croître. Habile. De chaque côté du globe, uniques en leur genre, on pourrait croire que rien ne pourrait réunir l'ornithorynque et l'oryctérope, si ce n'est leur bizarrerie ou l'agilité langagière qu'il faut pour ne pas bafouiller en prononçant leur nom. Que nenni. Un homme original et de caractère utilise les sobriquets de ces drôles de bestioles pour rendre des comptes. Espèce d'ornithorynque, sombre oryctérope, ce cher capitaine Haddock. Ce qui rend ces deux animaux complètement hors catégorie encore plus sympathiques. Et nous revoilà avec nos deux invités, Frédéric Blanc, chef de projet au Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, et Lucas Santucci, photographe, membre de l'agence Zeppelin, qui viennent nous parler du décement des Pyrénées et du livre qu'ils ont créé à son sujet. Bonjour Frédéric, bonjour Lucas, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez travaillé à quatre paires de mains, vous deux, mais aussi avec Mélanie Nemoz, également chef de projet au Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, et Aurélie Calmet, la dessinatrice naturaliste que l'on a reçue dans une émission précédente. Et vous avez donné naissance à un ouvrage, un peu unique en son genre, lui aussi, sobrement intitulé « Décement des Pyrénées », que vous avez vous-même édité aux éditions du Décement masqué en 2018. Alors avant toute chose, et avant de parler du livre plus en détail, j'aimerais qu'on revienne au point de départ, le décement. Et pour compenser les aléas de la radiophonie, je compte un peu sur vous. Est-ce que vous pouvez aider nos auditeurs et auditrices à se le représenter ? À quoi ça ressemble un décement ? Eh ben alors, un décement, c'est assez drôle, mais pour l'imaginer, il faut imaginer que c'est un mélange, un peu comme tous les animaux qu'on a entendu parler avant, un mélange de plein d'animaux différents. On va dire que d'un côté, ça ressemble un peu à un éléphant, un petit peu à une taupe, un poisson, et voilà, déjà avec tout ça, et un petit peu souris quand même, parce qu'il a une queue étrange. Donc en fait, pour bien le voir, ça ressemble à une petite taupe qui a une queue de souris, de rat, qui vit dans l'eau et qui a une trompe comme l'éléphant. Donc une bestiole franchement bizarre, on peut le dire. Exactement, voilà. Mais qui vit chez nous et qui vit en France. Voilà, tout le monde connaît l'ornithorynque, qui vit à l'autre bout du monde, mais ça. Peu de personnes connaissent le décement qui vit chez nous. Donc justement, ce décement, où est-ce qu'il vit ? Dans quel milieu on a une chance de l'apercevoir ? On peut l'apercevoir de manière générale, il s'appelle Desmond des Pyrénées, donc dans les Pyrénées, mais on le trouve aussi un petit peu dans le nord-ouest de la péninsule ibérique. Voilà, donc principalement dans les cours d'eau ou autour des cours d'eau, parce qu'il voilà, il vit et il se balade dans les cours d'eau, mais c'est quand même un mammifère donc qui va dormir et manger ses proies à l'air libre ou au moins dans des galeries. D'accord, donc il pêche par exemple, de quoi est-ce qu'il se nourrit ? Il récupère des poissons, des larves ? Le Desmond des Pyrénées, en fait, c'est un insectivore. D'accord. Et effectivement, comme le disait Lucas, c'est un proche cousin de la taupe. Et on est donc sur un mammifère semi-aquatique qui donc, va fréquenter les cours d'eau de montagne et également les lacs de montagne. Alors, si on s'intéresse juste pour préciser sa répartition dans les Pyrénées françaises, d'accord. On va le retrouver en gros sur toute la chaîne des Pyrénées, avec des limites altitudinales basses qui vont aller de, on va dire, une centaine de mètres sur la partie atlantique, jusqu'à 350 mètres pour la partie orientale. Et au niveau des altitudes les plus hautes, il peut monter jusqu'à 2600 mètres. Ah, et donc il supporte d'aller vraiment voilà, haut. Voilà, exactement. Ouais. Okay. Donc concernant sa nourriture, en fait, c'est un insectivore. Et il va se nourrir de larves qu'il va trouver au fond du cours d'eau, dans le substrat. D'accord. Et généralement, on parle de larves qui sont rhéophiles et benthiques. Donc qui vivent dans le fond du cours d'eau et qui sont dans les zones de courant. D'accord. Donc en gros, c'est... On peut dire que c'est tout ce qui est relatif aux trichoptères, aux éphémères, ce genre d'insectes. Donc fait. Toujours dans des endroits où l'eau est vive, en fait. Donc dans des endroits stagnants, on ne trouvera pas de décement. Oui et non. En fait, quand on parle de cours d'eau, effectivement, c'est un milieu qui bouge beaucoup. Mais on va le retrouver sur certains lacs d'altitude où là, l'eau est d'accord. stagnante. Donc il y a des populations qui vivent dans les lacs d'altitude. Alors on ne sait pas encore... pourquoi exactement ? Pourquoi ils choisissent cet habitat plutôt que les cours d'eau ? Mais on peut le retrouver quand même sur des eaux stagnantes. Et ouais. On sait si par exemple il peut plonger en profondeur, s'il peut rester très longtemps sous l'eau ? Comment est-ce qu'il se débrouille ? A priori, de ce qu'on sait, c'est à peu près une trentaine de secondes d'accord. à une minute. Donc c'est vraiment plongée rapide. Voilà, c'est okay. ça. Après, en termes de profondeur, on n'a pas d'observation mis à part sur des lacs. Où ça va être à peu près un mètre à peu près. D'accord. Voilà. Donc jamais trop profond voilà. non plus. Mais on parlait du fait qu'il était assez apparenté aux taupes, qui ne sont pas franchement connues pour bien voir. Du coup, comment est-ce qu'il s'y prend pour trouver ses proies dans l'eau, qui en plus des fois avec le substrat est un peu obscurci par la vase ? Alors c'est vrai que c'est sa particularité. Hein. Il est myope comme une taupe, parce qu'il a des yeux minuscules. A priori, il n'y voit pas grand-chose. Et comme le disait Lucas, dans son imaginaire, il a une trompe d'éléphant. Effectivement, ça s'apparente à une trompe d'éléphant, c'est-à-dire qu'il a la coalescence de la lèvre supérieure et du nez qui forme une trompe. D'accord. Et cette trompe, elle est munie d'organes sensoriels très développés, des vibrisses autour de cette trompe, comme les chats, ce qui lui permet en fait, de connaître de manière sensorielle son territoire. Donc okay. il a une cartographie sensorielle de son territoire et c'est par ce moyen-là qu'il va détecter sa nourriture et se déplacer. Et ce qui est assez formidable, c'est que on le disait tout à l'heure, donc il évolue dans des cours d'eau qui sont rapides. Il a des mœurs nocturnes mais aussi diurnes, mais quand même la nuit, il va plus loin et plus longtemps chercher sa nourriture et il se déplace très très vite. D'accord. Donc voilà, il a une capacité okay. De déplacement très rapide, et quand on s'imagine que c'est par le toucher, c'est assez particulier. Oui, il y a sûrement encore des choses d'ailleurs qu'on ne comprend pas au niveau de l'animal, parce qu'il y a des comportements sur les observations qui sont très étonnantes, où il va pouvoir prendre, choisir des angles, choisir des trajectoires de manière extrêmement rapide, des fois sans même toucher le fond de l'eau, et on peut se demander comment il arrive à faire ça, quoi. Avec seulement une trompe ouais, en étant aveugle. C'est ça, parce voilà. qu'il est quasiment aveugle. C'est ça, il est quasiment aveugle. Ouais. Mmh, exactement. Et au niveau de son comportement, alors là aussi, puisqu'il n'est pas facile à observer, j'imagine qu'on ne sait pas grand-chose, mais est-ce qu'on sait s'ils vivent seuls, plusieurs, s'ils ont un grand territoire ? Eh bien alors, normalement, le Desmond, voilà, il vit assez seul. Bien sûr, il y a un moment donc, où il faut forcément qu'il y ait un accouplement, mais de manière générale, il est plutôt solitaire. D'accord. Et son territoire va être autour voilà, de 500 mètres de linéaire, de cours d'eau. Sachant qu'après, il y a eu des observations qui ont été faites et des études dont Frédéric va pouvoir parler, qui montrent des mouvements beaucoup plus importants. C'est ça. En fait, on estime qu'un Desmond des Pyrénées... a à un moment donné un territoire d'à peu près 500 mètres d'accord, de cours d'eau, ouais. À l'intérieur de laquelle il y a le territoire de la femelle. Voilà. Okay. avec plusieurs gîtes sur ces 500 mètres. Mais en fait, on ne peut pas parler de domaine vital, puisqu'on a fait des études avec de la génétique sur les crottes, parce qu'il est tellement difficile à voir qu'il fallait qu'on trouve un moyen pour l'étudier. Donc on a travaillé sur les crottes, on fait de la génétique à partir donc, de, des crottes, et on s'est aperçu que le Desmans avait des capacités de déplacement beaucoup plus importantes que ce qu'on pensait. De l'ordre de 500 mètres, c'est pas grand-chose. Oui, grand et on a des individus qui, eux, se sont déplacés sur un pas de temps d'une année de plus de 18 km ah oui, quand même. Sur, de l'aval vers l'amont. Alors, on a retrouvé un même individu à un an d'intervalle, mais on ne sait pas s'il a mis un an pour faire ses 18 km ou s'il a mis une semaine. Donc voilà, il y a encore. Voilà, oui, ou s'il a fait des allers-retours. Donc on pense que le Desmans, en tout cas les petits noyaux de population, sont capables de, d'utiliser un territoire à un moment donné, à un instant T, et se déplacer sur le bassin versant. Soit plus en amont, soit plus en aval. Et surtout que ce sont des petits animaux. Enfin, on ne l'a pas dit, mais ce n'est pas très, très grand, un Desmans. Donc, non, faire 18 km à pattes en ne voyant pas grand-chose... C'est ça. Ça fait 25 cm avec la queue. Ça fait à peu près 60 grammes. Ah oui. Donc c'est vraiment... voilà, c'est une petite boule de poils qui est très, très rapide. Une petite torpille dans l'eau, voilà, qui a besoin de beaucoup de nourriture, finalement, pour se déplacer, parce que étant hyperactif... Ah oui, voilà. Beaucoup d'énergie, quoi. Beaucoup d'énergie dépensée. C'est l'écureuil des cours d'eau, quoi. Alors, je voulais savoir aussi, est-ce que c'est un animal qu'on connaît depuis longtemps? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a peu d'informations sur lui, mais est-ce que... c'est vrai que dans les Pyrénées, on parle de l'ours, qui fait partie du folklore, il est inclus dans, dans les fêtes, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est du Desmans? Est-ce qu'on le connaissait déjà? Est-ce qu'il y a des histoires sur cet animal-là, ou pas trop? Alors, le Desmans des Pyrénées, il est connu de... En fait, ça fait pas très très longtemps qu'on le connaît, parce que il a été découvert en 1811 pardon, par Geoffroy de Saint-Hilaire. En fait, c'est un spécimen qu'un certain Dérouet lui a amené en lui disant je sais pas ce que c'est, et du coup donc Geoffroy de Saint-Hilaire a décrit l'espèce. Donc 1811 pour une espèce de mammifère, c'est relativement tard. Et au cours de depuis de 1811, il y a eu quelques études qui ont jalonné la connaissance du Desmans. Mais en fait, pas tant que ça. Et jusqu'à, on va dire, dans les années 60-70, il y a eu un chercheur qui a travaillé au laboratoire du CNRS de Moulis sur le comportement un petit peu de l'espèce, de manière expérimentale. Après, dans les années 80-90, il y a eu donc un autre chercheur qui a, lui, pu travailler sur l'écologie, sur la connaissance des habitats. Et après, à partir de 2009, donc le... ministère de l'Environnement a lancé des programmes qui s'appellent les plans nationaux d'action en faveur de certaines espèces. Le Desmans en faisait partie. Et à partir donc, de 2009 jusqu'à aujourd'hui, des moyens ont été mis pour mieux connaître l'espèce sur son habitat, son écologie, sa biologie, ses menaces. D'accord. Donc voilà. C'était vraiment un des objectifs. Oui. Quoi, vraiment. Je reviens un peu en arrière. J'ai quand même oublié un personnage important dans la connaissance. C'était Eugène Truta, qui était conservateur du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Et qui a fait la première, on va dire, première thèse sur l'histoire naturelle du Desmans des Pyrénées, et qui a beaucoup travaillé sur sa description morphologique, son anatomie. Et donc ça, c'était dans les années 1890. Ouais, donc c'était vraiment 19e, début 20e. Voilà, quoi. C'est ça. Avant on n'avait pas franchement d'indices sur cette bestiole-là. Non. Mais il suffit de se promener dans les Pyrénées et de parler du Desmans, et il y a des gens qui habitent depuis 40 ans au bord d'un cours d'eau, ils n'en ont jamais entendu parler. Oui, donc c'est vraiment un animal très difficile à observer. Voilà. Il n'y a aucun trait culturel comme l'ours, des légendes, des histoires. Le Desmans des Pyrénées, à ce jour, en tout cas dans les Pyrénées françaises, on n'a jamais eu d'histoire relative à cette espèce-là. On a juste un petit témoignage d'un collègue espagnol qui a recueilli un petit récit d'une mamie qui habitait dans un village au fin fond de l'Aragon, qui disait que pour qu'un homme soit bon à marier, il fallait qu'il capture un Desmans à la main. Voilà. Ce qui était quand même déjà une prouesse. Donc, c'est ça. Mais les hommes étaient moins mariés avec plein de qualités. Et que la peau de Desmans servait à protéger la robe de mariée qui était conditionnée dans une caisse en bois. Donc ça la protégeait des mythes. Juste une peau, de petits Desmans. Deux, trois, je pense. Après, dans les détails, je ne sais pas. Mais, parce que pour attraper trois Desmans, c'est quand même plus compliqué d'en avoir un. Effectivement. Mais quand on. Comment dire? Quand on observe le Desmans un petit peu, qu'on voit un petit peu son rythme, ses habitudes, c'est pas si faux que ça, parce que le Desmans, il a quand même... Lucas, tu pourrais en parler, toi, puisque tu as pu l'observer sous l'eau. C'est qu'il est très régulier dans ses sorties. Donc, si on a la chance d'avoir un Desmans voir sortir. Bien tout le temps au même endroit. Généralement, on peut, sur quelques jours en tout cas, il est quasiment à l'heure pile à la sortie de son gîte. Donc, quelque part, il suffit de mettre la main dans l'eau et peut-être pouvoir l'attraper. Oui, c'est vrai qu'il est, il est très prévisible. On peut, voilà, une fois qu'on l'a bien observé, qu'on a compris comment il fonctionne, le suivre, être très proche de lui. Et il a la particularité de ne pas du tout... Il n'a pas peur de l'homme. Voilà, c'est ça. Comme il est aveugle, etc., il s'en fout totalement. Il est extrêmement rapide, donc on a l'impression qu'il est peureux, qu'il s'enfuit. Alors en fait, non, c'est son comportement normal, c'est sa vitesse normale. Il est tout le temps hyper speed. Et en fait, ben voilà, quand on est, une fois qu'on est très proche de lui, moi qui étais dans l'eau pour faire des images sous-marines de l'animal, ça m'est arrivé qu'il puisse me monter sur le bras ou qu'il puisse voilà, gratter sous mon pied. Donc c'est des moments où voilà, ça serait, entre guillemets, possible de l'attraper. Et ce qu'on peut aussi imaginer à l'époque, c'est que sûrement il y avait peut-être plus de décements aussi qu'il n'y en a aujourd'hui. Et que le décement était plus facilement visible. On s'y intéressait moins, du coup. On s'y intéressait moins, courant, exactement. Mais c'est marrant, parce que le fait qu'il soit aveugle, je peux comprendre qu'il ait moins de crainte, mais il doit avoir d'autres sens, genre l'odorat, où il doit se dire, ça sent quand même pas comme d'habitude, mais il s'en fout, quoi. Non, a priori... Il s'en fout vraiment, ouais. Je sais pas trop qu'est-ce qui lui fait peur, et comment il se protège, d'ailleurs, de ses prédateurs. C'est vraiment une question, comment il se protège de ses prédateurs. Est-ce qu'il pense qu'il a des prédateurs, ou est-ce que c'est juste son comportement qui fait que, en fait, finalement, il est protégé d'une manière ou d'une autre depuis longtemps, quoi. Et parce que c'était l'une de mes autres questions, il a des prédateurs, le décement. Il est, à l'heure actuelle, on pense qu'il est menacé. Oui, il est menacé. En fait, ce qui est compliqué, c'est que le décement, finalement, ça fait que depuis une dizaine d'années où on travaille dessus de manière conséquente et à l'échelle de son territoire français. Et effectivement, il y a plusieurs menaces. On a eu la chance de pouvoir refaire une carte de distribution à 30 ans d'intervalle. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, il y avait un certain nombre de secteurs qui avaient été inventoriés, et nous, on a refait ces secteurs-là, plus d'autres, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en une trentaine d'années, près de 60% de son aire de distribution a disparu. Ah oui. Donc c'est le côté environnement, en fait. C'est son milieu qui aurait été dégradé. A priori, ça, c'est un facteur clé. Parce que son aire de répartition, en fait, se contracte sur les hautes altitudes. D'accord. Et un des problèmes aussi importants, c'est que son aire de distribution se fragmente. Donc, ça isole des noyaux de population qui sont forcément plus fragiles face à une menace. La fragmentation, par exemple, c'est par les routes, ce genre de choses ? Ça peut être par les routes, ça peut être aussi par des ouvrages, par exemple, hydroélectriques, des grands barrages construits qui bloquent, par exemple... une rivière sur 80 mètres de haut avec des versants très abrupts, on pourrait imaginer que ça isole des noyaux de population et que ça limite l'échange de flux génétique. Donc ça c'est des points qui sont à l'étude. On est en train de voir un petit peu effectivement si ça c'est un facteur limitant. Et si on a un noyau de population comme ça qui est isolé, forcément le décement a des prédateurs. Bon, par exemple, la loutre est un prédateur. D'accord. Donc, c'est un prédateur naturel, on va dire. Contrairement au vison d'Amérique, qui lui voilà, est issu de lâcher de centres d'élevage pour la fourrure, une économie qui ne fonctionnait pas. Donc, on a lâché certains visons dans la nature. Et cette espèce étant très opportuniste, voilà, il y a des cas, des témoignages de capture de décement, et notamment en Espagne, beaucoup. Donc, par le bison et par... Par le bison, voilà. Et la loutre aussi. Mais voilà, un noyau de population isolé avec l'arrivée du bison d'Amérique, forcément, ça va augmenter la disparition de ce noyau de population. Ça fait du dégât. Voilà. Alors, ne bougez pas, on vous propose une courte évasion musicale. Restez à l'écoute, on revient tout de suite sur Campus. I need believe when I say I can forgive. C'était Devotion de Tirza, sorti en 2018 sur le label Domino. Vous êtes toujours sur Campus FM, 94 FM, dans l'émission Le Nid de Pie. Et je reçois aujourd'hui Frédéric Blanc, chef de projet au Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, et Lucas Santucci, photographe, membre de l'agence Zeppelin. Et ils viennent nous parler tous deux du dessement des Pyrénées et de leur livre du même nom. Alors, on en parlait dans la première partie de l'émission, le dessement a pas mal de particularités, mais je voulais savoir, outre cette aura de mystère, pourquoi vous en avez fait le héros de votre premier ouvrage? À quand est-ce que ça remonte, cette passion pour cette drôle de bestiole? Cette passion pour le dessement, moi, c'est quelque chose qui remonte à loin. Ado, voilà, étant des Pyrénées, Pyrénées orientales, je traînais beaucoup dans la montagne. Et voilà, comme tout randonneur qui traîne beaucoup dans les Pyrénées, on nous parle du dessement, on nous dit que c'est la bête à voir, qu'il faut trouver. Donc j'avais monté des petites expéditions, etc., avec mes cousins pour essayer d'aller voir cet animal, sans, comme beaucoup de personnes, en fait, ne jamais arriver à le voir. Voilà, puis je suis passé à d'autres choses dans ma vie, la photo, etc. À cette époque, j'étais pas du tout photographe, hein. Et puis ouais, je suis devenu photojournaliste. Et puis un jour, j'ai rencontré Fred sur un festival, et ça a été voilà le coup de foudre direct. Il m'a parlé d'une petite bête à trompe qui vivait dans les Pyrénées, et voilà, on s'est dit qu'on allait essayer de faire des choses ensemble, et voilà, le livre est arrivé beaucoup plus loin au bout de cette collaboration. Cette collaboration-là. Et justement, donc, sur le livre, donc, je voulais un petit peu revenir dessus. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'il est un peu écrit comme un récit initiatique, comme une quête. Donc, pour trouver des informations sur ce fameux dessement, un peu comme une relique ancienne mystérieuse à la Indiana Jones. Alors, on peut y lire aussi vos rencontres, vos échanges avec plein de gens. On voit intervenir le directeur des collections du Muséum de Toulouse, les Desmaniacs, comme vous vous appelez, donc, du Conservatoire d'Espace Naturel de Midi-Pyrénées, une vétérinaire ou encore le directeur de l'association Haute-Claire. Alors, je voulais savoir, c'est parce qu'on se rend compte que sur ce genre de projet, il y a plein de gens impliqués. C'est important de mettre en avant ce côté un peu pluridisciplinaire, plusieurs regards qui sont investis dans la protection du dessement. Oui, c'est important pour nous, en tout cas. Et si ce livre est aussi sorti, c'est qu'on bénéficie depuis 10 ans donc, d'un programme, d'un plan national d'action en faveur du dessement. Mais depuis 2014, on a réussi à monter un projet européen, Life Plus Dessement. Donc, il y a un outil financier européen qui nous a permis, depuis 2014, de mettre vraiment en œuvre tout un tas d'actions, de connaissances sur le dessement, sur évaluer ses menaces, faire de la réhabilitation de ses habitats, de la sensibilisation auprès du grand public. Et le parti pris dès le départ, c'était de pouvoir travailler avec des partenaires locaux. Nous, en tant que conservatoire, on ne peut pas rayonner à l'échelle des Pyrénées pour aller faire toutes ces actions. Donc, c'était important pour nous d'avoir des acteurs locaux, comme la Fédération Haute-Claire, le Parc National des Pyrénées, le Muséum de Toulouse, travailler avec eux. Donc voilà, avoir tout un tas de partenaires comme ça pour pouvoir mettre en œuvre les actions et pouvoir, entre guillemets, porter la parole du dessement de manière locale. Et du coup, on parlait de protection. Donc, même si on le connaît mal aujourd'hui, il y a quand même plusieurs choses qui existent pour faire connaître le Desmond et pour le protéger. Donc vous parliez du LIFE plus Desmond, mais il y a d'autres projets qui sont actuellement en cours. Alors le LIFE, en fait, c'est ce qui permet de mettre en œuvre toutes ces actions. Et parmi ces actions-là, il y a des actions de connaissance, de D'accord. protection. Et aujourd'hui, on est assez content parce que le Desmond des Pyrénées, finalement... commence à être connu à la fois du grand public, mais aussi des gestionnaires et usagers des cours d'eau. D'accord. Parce qu'avant, bah, c'était une espèce... voilà, on va construire un barrage, on va réhabiliter une berge parce qu'elle est en mauvais état, etc. Aujourd'hui, le Desmond est pris en compte D'accord. de manière systématique dans toutes les procédures d'aménagement. Donc, on a réussi à créer un outil d'alerte cartographique qu'on met au service des usagers des cours d'eau, les services instructeurs, comme la DREAL, les DDT, etc. Et aussi pour le grand public. Et cet outil d'alerte montre la répartition du Desmond. Et si le projet d'aménagement est sur une zone d'occupation ou de présence du Desmond, il faut le prendre en compte systématiquement. Et donc, on a mis en place des livrets qui permettent aux aménageurs de prendre en compte le Desmond et de protéger à la fois l'espèce, mais aussi et surtout son habitat. Ah oui, voilà. Faire gaffe de ne pas mettre n'importe où, n'importe Exactement. Quoi, là où il y a du Desmond. Alors là aussi, donc, tous les deux, vous ne vous cantonnez pas du travail de labo ou de bureau, hein, loin de là, donc vous allez régulièrement sur le terrain. Moi, je voulais savoir un peu concrètement à quoi ça ressemblait. Donc vous, par exemple, Frédéric, quand vous devez récolter des informations, donc on disait le Desmond est très dur à voir ou à attraper, comment est-ce que vous y prenez ? Alors, ben, y a plusieurs manières. Comme je le disais tout à l'heure, il est tellement difficile à trouver qu'il faut qu'on trouve un moyen pour travailler sur l'espèce sans le voir. Donc, une des façons les plus efficaces, c'est de travailler sur ses crottes. Alors, ce n'est pas très sexy, mais... Et puis, ce n'est pas très gros aussi, parce que c'est une bestiole de 60 grammes. Donc, c'est des petites crottes qui font, on va dire, 2 cm... un peu tortillonné qu'on va retrouver sur les cailloux émergents des rivières. Donc voilà, dès que les niveaux, c'est ça, dès que les niveaux montent, ça disparaît. Dès qu'il pleut, ça se dissout. Donc c'est assez difficile à trouver. Mais en même temps, c'est une mine d'informations, puisque grâce aux outils génétiques, on arrive à savoir si c'est vraiment du Desmond, qu'est-ce qu'il mange, et on arrive à faire de l'individualisation. Donc D'accord. ça permet de savoir un peu comment sont structurées les populations. Après, donc ça, ça a été une grande période d'inventaire, ce qui nous a permis de réactualiser la carte de répartition. Et après, il y a des endroits où on ne trouve pas de crottes. On ne sait D'accord. pas, voilà. Et on a beau y passer plusieurs fois, on ne trouve pas. Donc, on essaie de faire des captures. D'accord. Donc, ça, c'est assez sympa. C'est assez... physique. Physique, contraignant, puisque, en gros, on arrive sur un secteur donné. On va poser une cinquantaine de pièges. Donc, c'est comme des nasses à D'accord. poissons. Dans le cours d'eau, donc on arrive en début d'après-midi, on se dit on va mettre une cinquantaine de pièges sur 300 mètres de cours d'eau linéaire, et entre 20h le soir et 7h du matin, on va relever les pièges toutes les heures et demie. La nuit aussi, le jour, la nuit, ouais, surtout la nuit, et donc voilà, toutes les heures 30, on va relever les 50 pièges pour voir s'il y a du Desmond. Et si on a la chance, on peut en avoir un, voire deux, mais c'est quand même... C'est une très bonne journée quand on attend plusieurs. C'est une super journée, voilà, c'est ça. Alors au début, tout le monde est enthousiaste, tout le monde veut venir voir relever les pièges avec nous, et puis à 3h du matin, tout le monde dort, ça c'est sûr. Mais par contre, dès qu'il y en a un, tout le monde est réveillé, tout le monde arrive, et puis voilà. Et du coup, une fois que vous avez l'animal, vous faites quoi ? Vous faites un prélèvement de sang ? Est-ce que vous les marquez ? Est-ce que si vous les retrouvez à bestiole plus tard, savoir si vous les avez déjà attrapés ? Tout dépend de l'étude qu'on souhaite mener. Donc, dans les secteurs où on ne sait pas si l'espèce est présente, si on a la chance de capturer un Desmond, on fait des prélèvements de poils pour la génétique. D'accord. On va le peser, on va le sexer, on va essayer de lui donner un âge. Et en gros, les manips durent 2 minutes 30. Ouais, donc on le relâche après aussitôt. L'idée, c'est vraiment pas de... Bah, de pas être stressé. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc on relâche vite l'espèce. Et après, en fonction des études, par exemple, là, on a travaillé sur essayer de comprendre comment le Desmond réagissait en fonction de la fluctuation des débits. D'accord. Donc là, pour le suivre 24 heures sur 24, on le capture et on lui pose un petit émetteur. Donc on fait du radio tracking. Ok, pour le retrouver. Donc, voilà, donc on lui pose un petit émetteur à la base du dos. Et là, encore une fois, c'est très contraignant puisque toutes les 20 minutes, 24 heures sur 24, on fait des points pour savoir où est-ce qu'il est et quel type d'activité il a. Comme ça, ça nous permet d'avoir un rythme d'activité sur un temps donné et des déplacements. Et ça, on va le corréler avec la fluctuation des débits pour voir un petit peu comment réagit le décement à des phases de changement de son habitat. Puis il ne faut pas qu'il la perde, parce que comme on le disait, c'est une bestiole rapide dans les cours d'eau, etc. Il ne faut pas qu'il perde l'émetteur en cours de route. C'est quoi. Ça, oui. Il y a un gros challenge technique là, à avoir, et puis aussi à trouver des nouvelles méthodes qui seraient beaucoup plus efficaces. Et qui soient adaptées aussi à la taille de l'animal. C'est ça. Alors on voyait aussi donc, le décement, jusqu'à présent, il n'y avait pas de clichés ou très peu, mais non pas du tout, même d'animaux sous l'eau. C'était un peu votre challenge à vous, Lucas. Alors, comment vous avez fait pour réussir à choper quelques clichés de la bête? Et ben, c'est vrai que c'était un peu le challenge des photos, parce que donc, moi, dans le reportage, il y avait bien sûr des photos de tous les acteurs, venir sur les captures, etc. Donc, ça faisait déjà des images très intéressantes, voilà, du décement, qu'on puisse voir vraiment avec des détails et tout. Mais il manquait un petit peu. Finalement, il vit principalement dans l'eau, il se déplace principalement dans l'eau. Et il n'existait pas d'image, donc c'était un peu le challenge. Voilà, quand j'avais un peu émis l'idée au départ, il y avait un peu qui était dubitatif là-bas. Des réticences. mais justement, avec l'aide de Mélanie et Fred, beaucoup de leur expertise, leur expérience, leur connaissance du décement, on est allé sur le terrain, et à force de temps, de patience, d'observation, voilà, ça a été possible de se mettre à l'eau, d'arriver à être à l'eau en même temps que le décement était dans l'eau, et à pouvoir faire ses premières images de l'animal. Et donc la technique, c'est d'être tout le temps immergé. Vous aviez des bottes, vous étiez dans la rivière. Alors, vous carrément en combinaison, masque, tuba, voilà. Alors en fait, on attend de l'observer hors de l'eau pour pas essayer de passer pas trop de temps dans l'eau. Et une fois qu'on le voit, voilà, on peut se mettre à l'eau. Du coup, c'est très compliqué de faire ça seul parce que dans l'eau, c'est compliqué de le suivre, etc. Oui. Donc on peut avoir des gens en surface qui peuvent aider pour le repérer, etc. Mais bien sûr, il faut faire ça à un endroit où l'eau est un peu stable, et c'est très compliqué de trouver entre guillemets un spot où on va être sûr de voir un décement sortir, et c'est ça qui est le plus compliqué. Voilà. Puis, donc, j'imagine qu'il faut beaucoup de clichés avant d'en avoir un qui soit exploitable. Énormément, bien sûr. Puis il va extrêmement vite. Donc il faut imaginer, là au Festival de Montier-en-Der, on discutait donc avec une amie qui fait beaucoup de photographies sous-marines en rivière. Et je lui disais, mais le décement, il est tout le temps flou, c'est incroyable. Elle m'a dit, oui, mais pour ceux qui connaissent un peu la photo, mets-toi un 200e, un 300e, un 400e. Et je lui dis, oui, mais attends, mais moi, un 800e, il est encore flou, mon décement. Donc c'est extrêmement rapide. Et c'est. Voilà, pas beaucoup de lumière. Pas beaucoup de lumière non plus. Puis en plus, il y a la vase. Voilà, on lève la vase, lui aussi. On éloigne une route. Donc c'est 3 heures pour monter le matos, etc. Ouais. Donc on n'a pas non plus le matos le plus lourd au monde avec nous pour nous aider. Voilà. Et puis pour montrer un peu la difficulté de cet animal là, sur le radio tracking dont parlait Frédéric, pour moi c'était une aubaine, un décement, on va savoir où il est toutes les 20 minutes qu'on le suit à la trace. Je me suis dit génial, on va faire les nouvelles photos qui vont permettre encore mieux ce qu'on a déjà fait. Et voilà, et du coup j'ai passé en 2 jours, j'ai passé 12 heures dans l'eau, donc 6 heures chaque jour. Avec une eau à peu près à 12 degrés, c'est ça, même pas? Ouais, non, beaucoup moins, je sais pas combien était l'eau de la rivière, mais ça doit être autour des 5 ou quelque chose comme ça. T'étais tout fripé quand tu sortais de l'eau, ça, c'est sûr. Et voilà, et dans ces 12 heures, alors qu'on sait où est le décement exactement, je l'ai vu 15 secondes pour faire 2 photos. Faut pas traîner avant d'appuyer sur le déclencheur. Quoi, il faut être prêt. Et plus, quand on attend tant de ça dans l'eau, on pense forcément à autre chose, un petit peu, etc. Donc on peut le rater hyper facilement. Sacré défi, donc. Ce qui est encore plus admirable quand on voit le résultat avec les nombreuses photos du bouquin. Donc, ça a valu quand même le coup d'être dans l'eau à 4 degrés pendant des jours. Ça, c'est clair. Puis de toute façon, après, la passion fait qu'on y passe du temps et qu'on et est hyper motivé. Exactement. À défaut des jambes. Alors, du coup, pour finir tout ça, je voulais donc cet ouvrage, c'était votre premier, donc Décement des Pyrénées. Est-ce qu'on peut espérer qu'il soit le premier d'une série? Est-ce que vous avez d'autres projets dans les cartons? Oui, c'est vrai que l'idée à la base de faire cet ouvrage-là, c'était, on va dire, un one-shot, mais le travail qu'on a pu faire entre les auteurs a été super chouette, et on a envie potentiellement d'aller vers peut-être une petite série, voire à travers donc Décement Masqué, qui est aujourd'hui une association, aller vers d'autres types d'ouvrages, voire de festivals. Ça ne fait que commencer et ça va être une belle aventure. Oui, et puis... comme le décement, c'est un petit peu un ouvrage un peu hybride. C'est ça. Une narration avec beaucoup d'iconographie. Et finalement, c'est une idée qui nous plaît bien et qu'on aimerait bien développer sur d'autres espèces. Quoi. Bon, alors il est permis d'espérer. Merci beaucoup, on va rester sur cette note positive. Alors juste avant de vous laisser, une dernière chose, à vous qui nous écoutez, sortez vos agendas. Donc il y a une conférence tout public consacrée au décement, animée par toute l'équipe du livre, qui est prévue à Toulouse. Cette soirée aura lieu dans le cadre du colloque scientifique Ecology and Behavior, qui est organisé par les doctorants et post-doctorants du laboratoire EDB, et que Maxime Pinault était venu évoquer dans le tout premier épisode du NIDPI. La conférence aura lieu le lundi 20 mai en soirée, à Toulouse, sans doute près du Capitole. On vous donnera les informations en temps voulu, mais en attendant, vous pourrez aller voir le site du colloque qui est eb2019.scienceauplurielconf.org et je vous mettrai bien sûr l'information avec le podcast de cette émission. On finit avec quelques courts conseils lecture. Pour finir l'émission, je vous conseille deux ouvrages à mettre entre toutes les mains. Le premier est un album documentaire jeunesse, il se nomme « Les bêtes biscornues, saugrenues, toutes nues », écrit par Jean-Baptiste Panafieux et illustré par Benoît Perroux et Lucie Riolan, publié aux éditions Gulfstream dans la série Dame Nature. Et ce livre met en avant les bestioles les plus étranges, à l'image de cette chronique. Donc on y parle d'axolotes, dont les membres peuvent se régénérer, du solénodon, une musaraigne géante à la morsure venimeuse, en passant par le moloch, un lézard du désert hérissé d'épines, capable de projeter du sang par le coin de ses yeux pour chasser les ennemis. Nul doute que vous serez surpris au détour de ces pages. Le livre allie sur chaque double page des informations courtes et concises avec un dessin réaliste de chaque animal et plusieurs petits dessins humoristiques. C'est instructif, drôle et joli, un incontournable comme tout le reste de la collection parue chez Gulfstream. Le second est bien entendu le livre que l'on vous a présenté aujourd'hui, « Décement des Pyrénées » de Frédéric Blanc, Aurélie Calmet, Mélanie Nemoz et Lucas Santucci, paru aux éditions du Décement masqué. Le livre est écrit donc comme on l'a dit, comme un récit, sa lecture est facile, très agréable, le côté enquête et découverte pas à pas rappelle un peu le style des livres de l'entomologiste Jean-Henri Fabre ou les écrits de voyage de Charles Darwin. Le livre est très richement illustré, de photos rares et de très beaux dessins à l'encre. Et la finition du livre, le papier utilisé en font un très bel objet. En plus de tout ça, c'est aussi le seul disponible sur cet animal fascinant qu'est le décement, faisant un tour d'horizon complet de ce que l'on sait aujourd'hui sur l'animal et des moyens mis en œuvre pour en apprendre plus sur lui et le protéger. Autant dire que vous ne pouvez pas vous en passer. Si vous voulez le commander et retrouver toutes les informations à propos de l'association, rendez-vous sur internet à l'adresse www.décementmasque.com. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse, à la technique, à toute l'équipe de Campus FM, et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à dans 15 jours, à 17h, pour de nouvelles aventures animalières, et d'ici là, gardez la pêche.